Et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler « conclusion », et pour le lecteur, « incitation ». Nous sentons très bien que notre sagesse commence sous celle de l'auteur fini, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Mais par une loi singulière et d'ailleurs providentielle de l'optique des esprits, loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes, ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre, de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont pas encore rien dit. D'ailleurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. Car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotions personnelles. Dans chaque tableau qu'ils nous montrent, ils ne semblent nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux, différent du reste du monde et au cœur duquel nous voudrions qu'ils nous fissent pénétrer. Mais menez-nous, voudrions-nous pouvoir dire à M. Maeterlinck, à Mme de Noailles, dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs démodées, sur la route parfumée, de trèfles et d'armoises, et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beaux que ceux-là. Nous voudrions aller voir ce champ que Millet, car les peintres sont aussi des poètes, nous montre dans son printemps. Nous voudrions que M. Claude Monet nous conduisit à Giverny, au bord de la Seine, à ce coude de la rivière qui nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. Or, en réalité, ce sont de simples hasards, de relations ou de parenté, qui, en leur donnant l'occasion d'y venir, ont fait choisir pour les peindre à Madame de Noailles, à Maeterlinck, à Millet, à Claude Monet, cette route, ce jardin, ce champ, ce coude de rivière, plutôt que tels autres. Ce qui nous les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c'est qu'ils portent sur eux comme un reflet insaisissable l'impression qu'ils ont donnée au génie et que nous verrions errer aussi singulière et aussi despotique sur la façon indifférente et soumise de tous les pays qu'il aurait peint. Cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent et au-delà de laquelle nous voudrions aller, c'est l'essence même de cette chose, en quelque sorte sans épaisseur, mirage arrêté sur une toile, qu'est une vision. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer, c'est le dernier mot de l'art du peintre. Le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Alors il nous dit « Regarde, regarde, parfumés de trèfles et d'armoises, serrant leurs vifs ruisseaux étroits, les pays de l'Aisne et de l'Oise, regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage, regarde, apprends à voir !» Et à ce moment, il disparaît. Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire. Elle ne la constitue pas. Il est cependant certains cas pathologiques pour ainsi dire, de dépression spirituelle, où la lecture peut devenir une sorte de discipline curative et être chargée par des incitations répétées de réintroduire perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit. Les livres jouent alors auprès de lui un rôle analogue à celui des psychothérapeutes auprès de certains neurasthéniques. On sait que, dans certaines affections du système nerveux, le malade, sans qu'aucun de ses organes soit lui-même atteint, est enlisé dans une sorte d'impossibilité de vouloir, comme dans une arrière profonde d'où il ne peut se tirer seul et où il finirait par dépérir, si une main puissante et secourable ne lui était tendue. Son cerveau, ses jambes, ses poumons, son estomac sont intacts. Il n'a aucune incapacité réelle de travailler, de marcher, de s'exposer au froid, de manger. Mais ces différents actes, qu'il serait très capable d'accomplir, il est incapable de les vouloir. Et une déchéance organique qui finirait par devenir l'équivalent des maladies qu'il n'a pas, serait la conséquence irrémédiable de l'inertie de sa volonté, si l'impulsion qu'il ne peut trouver en lui-même lui venait de dehors, d'un médecin qui voudra pour lui, jusqu'à ce qu'il ait peu à peu rééduqué ses divers vouloirs organiques. Or, il existe certains esprits qu'on pourrait comparer à ces malades et qu'une sorte de paresse ou de frivolité empêche de descendre spontanément dans les régions profondes de soi-même où commence la véritable vie de l'esprit. Ce n'est pas qu'une fois qu'on les y a conduits, ils ne soient capables d'y redécouvrir et d'y exploiter de véritables richesses, mais sans cette intervention étrangère, ils vivent à la surface, dans un perpétuel oubli d'eux-mêmes, dans une sorte de passivité qui les rend le jouet de tous les plaisirs, les diminue à la taille de ceux qui les entourent et les agitent, pareil à ce gentilhomme qui, partageant depuis son enfance la vie des voleurs de grand chemin, avait pour avoir depuis trop longtemps cessé de le porter, oublié jusqu'à son nom. Eh bien, il finirait par abolir en eux tout sentiment et tout souvenir de leur noblesse spirituelle, si une impulsion extérieure ne venait les réintroduire en quelque sorte de force dans la vie de l'esprit, où ils retrouvent subitement la puissance de penser par eux-mêmes et de créer. Or, cette impulsion que l'esprit paresseux ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui, il est clair qu'il doit la recevoir au sein de la solitude, hors de laquelle, nous l'avons vu, ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui. De la pure solitude, l'esprit paresseux ne pourrait rien tirer puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice. Mais la conversation la plus élevée, les conseils les plus pressants, ne lui servirait non plus à rien, puisque cette activité originale, ils ne peuvent la produire directement. Ce qu'il faut, c'est une intervention qui, tout en venant d'un autre, se produise au fond de nous-mêmes. C'est bien l'impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude. Or, nous avons vu que c'était précisément là la solide définition de la lecture, et qu'à la lecture seule, elle convenait. La seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits, c'est donc la lecture. Ce qu'il fallait démontrer, comme disent les géomètres. Mais là encore, la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation qui ne peut en rien se substituer à notre activité personnelle. Elle se contente de nous en rendre l'usage, comme dans les affections nerveuses auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac, de ses jambes, de son cerveau, restés intacts. Soit, d'ailleurs, que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse, à cette stagnation dans les bas niveaux, soit que, sans lui être nécessaire, l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel, on cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail. Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon. Et Dante n'est pas le seul poète que Virgile ait conduit jusqu'au seuil du paradis. Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice, dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures, où nous n'aurons pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux, au contraire, quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effet de notre cœur, mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres, comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite, passivement, dans un parfait repos de corps et d'esprit. Parfois même, dans certains cas un peu exceptionnels, et nous le verrons moins dangereux, la vérité conçue comme extérieure encore est lointaine, cachée dans un lieu d'accès difficile. C'est alors quelques documents secrets, quelques correspondances inédites, des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu et dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio, jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que si, pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Sans doute, il faudra faire un long voyage, traverser en coche d'eau les plaines gémissantes de vent, tandis que sur la rive les roseaux s'inclinent et se relèvent tour à tour dans une ondulation sans fin. Il faudra s'arrêter à Dordrecht, qui mire son église couverte de lierre dans l'entrelac des canaux dormants, et dans la Meuse frémissante et dorée, où les vaisseaux en glissant dérangent le soir les reflets alignés des toits rouges et du ciel bleu. Et enfin, arrivé au terme du voyage, on ne sera pas encore certain de recevoir communication de la vérité. Il faudra pour cela faire jouer de puissantes influences, se lier avec le vénérable archevêque d'Utrecht, à la belle figure carrée d'ancien janséniste, avec le pieux gardien des archives d'Amersfoort. La conquête de la vérité est conçue, dans ces cas-là, comme le succès d'une sorte de mission diplomatique, où n'ont manqué ni les difficultés du voyage, ni les hasards de la négociation. Mais qu'importe, tous ces membres de la vieille petite église d'Utrecht, de la bonne volonté de qui il dépend que nous entrions en possession de la vérité, sont des gens charmants, dont les visages du XVIIe siècle nous changent des figures accoutumées, et avec qui il sera si amusant de rester en relation, au moins par correspondance. L'estime dont ils continueront à nous envoyer de temps à autre le témoignage nous relèvera à nos propres yeux et nous garderons leurs lettres comme un certificat et comme une curiosité. Et nous ne manquerons pas un jour de leur dédier un de nos livres, ce qui est bien le moins que l'on puisse faire pour des gens qui vous ont fait don de la vérité. Et quant aux quelques recherches, aux courts travaux que nous serons obligés de faire dans la bibliothèque du couvent et qui seront les préliminaires indispensables de l'acte d'entrée en possession de la vérité que pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des peines qu'ils pourront nous donner. Le calme et la fraîcheur du vieux couvent sont si exquises où les religieuses portent encore le haut hennin aux ailes blanches qu'elles ont dans le Roger van der Weyden du parloir. Et pendant que nous travaillons, les carillons du XVIIe siècle étourdissent si tendrement l'eau naïve du canal qu'un peu de soleil pâle suffit à éblouir entre la double rangée d'arbres dépouillés de la fin de l'été qui frôlent les miroirs accrochés aux maisons à pignons des deux rives. Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que vous remette en main propre celui qui la détenait matériellement, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet, cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins, à proprement parler, la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. Il n'en est pas de même pour le lettré. Lui, qui lit pour lire, pour retenir ce qu'il a lu, pour lui le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile qu'il adore pour elle-même, qui, au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille, communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure. Le lettré invoque en souriant l'honneur de tel nom, qu'il se trouve dans Villehardouin ou dans Bocasse, en faveur de tel usage, qu'il est décrit dans Virgile. Son esprit, sans activité originale, ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort. Il s'encombre de leur forme intacte, qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. Est-il besoin de dire que, si je qualifie de malsain ce goût, enfin cette sorte de respect fétichiste pour les livres, c'est relativement à ce que seraient les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas, et comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organes normal tel qu'il ne se rencontre guère chez les êtres vivants. Dans la réalité, au contraire, où il n'y a pas plus d'esprit parfait que de corps entièrement sain, ce que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire. Plus que les autres, pourrait-on dire. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence, un peu au-dessous d'elle, mais sur la même tige, comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet, a du rapport avec lui, dans l'absence, lui en parle encore. Aussi, les plus grands écrivains, dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée, se plaisent dans la société des livres. N'est-ce pas surtout pour eux, du reste, qu'ils ont été écrits? Ne leur dévoile-t-il pas mille beautés qui restent cachées ou vulgaires? À vrai dire, le fait que des esprits supérieurs soit ce que l'on appelle livresque, ne prouve nullement que cela ne soit pas un défaut de l'être. De ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs, et les intelligents souvent paresseux, on ne peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure discipline que la paresse. Malgré cela, rencontrer chez un grand homme un de nos défauts nous incline toujours à nous demander si ce n'était pas, au fond, une qualité méconnue. Et nous n'apprenons pas sans plaisir qu'Hugo savait Quincurs, Tacite et Justin par cœur, qu'il était en mesure, si on contestait la légitimité d'un terme qu'il avait employé, d'en établir la filiation jusqu'à l'origine par des citations qui prouvaient une véritable érudition. J'ai montré ailleurs comment cette érudition avait chez lui nourri le génie au lieu de l'étouffer, comme un paquet de fagots qui éteint un petit feu et en accroît un grand. Maeterlinck, qui est pour nous le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert aux mille émotions anonymes communiquées par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie, quand il nous décrit, en amateur, les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus. Ces dangers, d'ailleurs, menaçant beaucoup plus quand ils existent, la sensibilité que l'intelligence, la capacité de lecture profitable, si l'on peut dire, est beaucoup plus grande chez les penseurs que chez les écrivains d'imagination. Schopenhauer, par exemple, nous offre l'image d'un esprit dont la vitalité porte légèrement la plus énorme lecture. Chaque connaissance nouvelle étant immédiatement réduite à la part de réalité, à la portion vivante qu'elle contient. Schopenhauer n'avance jamais une opinion sans l'appuyer aussitôt sur plusieurs citations. Mais on sent que les textes cités ne sont pour lui que des exemples, des allusions inconscientes et anticipées, où il aime retrouver quelques traits de sa propre pensée, mais qui ne l'ont nullement inspiré. Je me rappelle une page du « Monde comme représentation et comme volonté », où il y a peut-être 20 citations à la file. Il s'agit du pessimisme, j'abrège naturellement les citations. Voltaire, dans Candide, fait la guerre à l'optimisme d'une manière plaisante. Byron l'a faite à sa façon tragique dans Caïn. Hérodote rapporte que les Thraces saluaient le nouveau-né par des gémissements et se réjouissaient à chaque mort. C'est ce qui est exprimé dans les beaux vers que nous rapporte Plutarque. « Lugere genitum tanta quintra vit mala », etc. C'est à cela qu'il faut attribuer la coutume des Mexicains, de souhaiter, etc. Et Swift obéissait au même sentiment quand il avait coutume dès sa jeunesse, à en croire sa biographie par Walter Scott, de célébrer le jour de sa naissance comme un jour d'affliction. Chacun connaît ce passage de l'Apologie de Socrate, où Platon dit que la mort est un bien admirable. Une maxime d'Héraclite était conçue de même. « Vita in omen quidem est vita, opus autem mors ». Quant aux beaux vers de Théognis, ils sont célèbres. « Optima, sors, hominin, non esse », etc. Sophocle, dans l'Édipe à Colonne, en donne l'abrégé suivant. « Natum non esse, sortes, vincit alia somnes », etc. Euripide dit « Omnis hominum vita est plena dolore », Hippolyte 189. Et Homère l'avait déjà dit « Non enim quidquam alicubi est calamitosus homine omnium quodcum supersterram spirat », etc., etc. D'ailleurs, Pline l'a dit aussi « Nullum melius esse tempestativa morte ». Shakespeare met ses paroles dans la bouche du vieux roi Henri IV. « Oh, if it were sin !» Byron aussi. « Is something better not to be ?» Balthazar, Gracien nous dépend l'existence sous les plus noires couleurs, dans le Criticon, etc. Si je ne m'étais déjà laissé entraîner trop loin par Schopenhauer, j'aurais eu plaisir à compléter cette petite démonstration à l'aide des aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui est peut-être, de tous les ouvrages que je connais, celui qui suppose, chez un auteur avec le plus de lecture, le plus d'originalité, de sorte qu'en tête de ce livre, dont chaque page renferme plusieurs citations, Schopenhauer a pu écrire, le plus sérieusement du monde, « Compiler n'est pas mon fait ».